Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Fadjet94.2 ou Fadjet.net et c'est parti pour une nouvelle édition de l'émission Les bons plans solidaires qui vous est proposée par le groupe solidaire actif de l'association Arelia. La Dream Team ce mois-ci va comme toujours vous proposer des idées, des conseils, des infos, des bons tuyaux, pratiques et surtout très économiques voire gratuits. Alors ce mois-ci, nos chroniqueuses et chroniqueurs seront Laetitia, notre spécialiste du tout faire soi-même et pour quasiment rien. Ce mois-ci, comment fabriquer un gel douche et un shampoing à faire soi-même. Vincent, notre spécialiste de la culture, qui va nous présenter l'interview de Bernie Bonvoisin, je ne vous en dis pas plus. Roger vous présentera des idées de sorties gratuites à Nancy et ses alentours. Quant à Nicolas, il nous expliquera comment planter et entretenir une jolie plante d'intérieur. Vous voyez, le programme ce mois-ci est encore bien chargé. Alors, on démarre de suite. Et on retrouve Nicolas. Alors, pour ta chronique, tu vas nous parler de l'entretien du Saint-Paulia. C'est ça. On t'écoute. Le Saint-Paulia vient d'Afrique tropicale. Elle peut être de couleurs variantes, violette, rose, rouge et blanche et jaune. Elle fleurit pendant des mois et s'est adaptée à la culture en intérieur. Les bouturages des plantes d'appartement, c'est très simple. Prenez une feuille de Saint-Paulia, coupez la tige et gardez juste la feuille. Retournez-la et fendez les grosses nervures. Ensuite, remplissez un pot de terre et posez la feuille sur la terre. Vous déposerez ensuite un verre rempli d'eau pour maintenir la feuille à plat. Au bout de 15 jours, enlevez le verre et laissez pousser la plante. Évitez le plein soleil car il tache les feuilles en faisant des petites brûlures. L'hiver, placez-la dans une pièce tiède car le Saint-Paulia préfère les températures supérieures à 15-16 degrés. Des petites feuilles vont apparaître et la vie commence. N'oubliez pas d'arroser un bon verre d'eau une fois par semaine. Supprimez régulièrement les fleurs fanées, les feuilles mortes et dépoussiérez les feuilles avec un pinceau, un linge ou une éponge légèrement humide. Bonne chance les mains vertes. Merci Nicolas pour tous ces bons tuyaux. On te retrouve le mois prochain pour un nouveau bon plan solidaire. C'est ça Lucie. À bientôt. À bientôt. Et c'est maintenant le moment de retrouver Laetitia, notre chroniqueuse du tout faire soi-même. Bonjour Laetitia. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Si j'ai bien compris, tu vas nous expliquer comment fabriquer des gels douches à faire soi-même, c'est bien cela ? C'est ça, tout à fait. Et alors, si vous en avez marre de dépenser votre argent dans des gels douches remplis de produits chimiques, et que ce soit pour se réveiller le matin ou se délasser le soir, la douche est un petit moment de plaisir dans la journée. Alors, le commerce propose une vaste gamme de gels douches, mais la plupart contiennent de nombreux additifs trop agressifs pour la peau. Pour profiter véritablement de cet instant, je vous propose d'opter pour la fabrication de votre gel douche naturel. Pour cela, rien de plus simple. Vous aurez besoin d'une casserole, d'une spatule, d'un savon, une râpe, un flacon hermétique et propre. Donc vous râpez votre savon dans une casserole, vous ajoutez 1 litre d'eau, mélangez à basse température jusqu'à dissolution du savon et ajoutez enfin 15 gouttes d'huile essentielle de lavande. Une fois le mélange refroidi, vous versez dans le flacon. Ce gel douche se conserve environ 2 mois, mais pour une meilleure conservation, vous pouvez y ajouter quelques gouttes d'extrait de pépins de pamplemousse que vous trouverez facilement en grande surface. Et voilà, votre gel douche est 100% naturel. Et Lucie, si tu me permets, j'avais aussi, pour compléter notre petite routine douche, une petite recette pour les cheveux. Ah bah, on t'écoute. Alors, pour les cheveux ternes, une recette express spéciale brillante. Si vous avez envie d'un bel effet glossy pour votre chevelure, vous avez besoin d'un ou deux jaunes d'œuf en fonction de la longueur de vos cheveux, une cuillère à café de vinaigre pour des cheveux brillants, une cuillère à soupe d'olive pour bien les hydrater, une cuillère à soupe de miel liquide pour les protéger. Alors, une fois le mélange homogène, vous déposez sur les cheveux, vous laissez agir une dizaine de minutes avant de rincer à l'eau froide de préférence. Pourquoi ? Parce que ça resserre les écailles de vos cheveux. Et voilà, vous aurez une superbe brillance sur vos cheveux. Eh bien, merci Laetitia. De rien. On te retrouve le mois prochain ? Tout à fait, avec d'autres nouvelles recettes. On a hâte. À bientôt. À bientôt. Il est temps de faire maintenant notre première pause musicale. Le mois de mars est le mois du printemps et du retour du beau temps. Alors voici la célèbre chanson de circonstance de Claude François, Le printemps qui chante. On l'écoute et on se retrouve juste après. Dis, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu un peuplier, une fleur des champs. Si tu as quelques chagrins pour les oublier, il y a toujours une gare, un train. Change de ciel, viens voir la terre, voir le soleil et les rivières. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils berceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Le premier vent du matin sera ton ami quand tu iras t'asseoir au jardin. Et puis le temps passera et tu me diras tout mon passé, il est loin déjà. Tu ouvriras une fenêtre un beau matin. Va renaître. Oh, viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Les pommiers sont en fleurs, ils perceront ton cœur. Toi qui es tout en pleurs, ne reste pas dans la ville. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Oui, viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent. Près des grands étangs bleus et dans les chemins creux, on ira tous les deux. Oublier sera facile. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. C'est à l'ami Vincent maintenant de prendre place. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour à tous, chers auditeurs. Alors dis-moi, toi le spécialiste de la musique et du rock en particulier, tu avais une petite surprise pour nos auditeurs. Oui, donc j'ai eu la possibilité de rencontrer Bernie Bonvoisin dans le cadre du GSA lors d'un reportage sur la pauvreté chez les jeunes à Nancy. Donc Bernie Bonvoisin est né le 9 juillet 1956 à Nanterre et il est le chanteur principal du groupe Trust. On peut citer comme titre phare du groupe Trust, Antisocial, bien sûr. Bernie est également ami avec le chanteur d'ACDC Bon Scott, à qui il dédie un morceau de blues après sa mort accidentelle le 19 février 1980, durant une tournée commune, donc la tournée qui s'intitulait Ton dernier acte. Bernie Bonvoisin est un homme engagé. Le chanteur du mythique groupe musical de rock'n'roll dénonce depuis 40 ans les injustices et arbore un message de fraternité. C'est pourquoi la municipalité a souhaité saluer ses valeurs communes en baptisant sa salle des fêtes Bernie Bonvoisin. Le 2 novembre 2018, le groupe Trust a d'ailleurs joué à Vendeuvre. Il a également été réalisateur de 4 films, Les Ins, Blanche. Il sera aussi acteur dans les films Laissez bronzer les cadavres, où il a le rôle de la brute, ou encore en 2007, Coluche, l'histoire d'un mec, dans lequel il interprétera le rôle de Jean-Claude. Il a également réalisé des documentaires humanistes, comme Les enfants de Syrie. La précarité chez les jeunes est un autre sujet qui interpelle l'artiste, et il souhaite en faire un documentaire de 52 minutes. Pour cela, il a rencontré pendant 3 jours des jeunes de 17 à 35 ans pour les besoins du tournage. Je vous laisse avec l'interview que j'ai pu réaliser. Bonjour Bernie, merci de m'accorder quelques minutes. Que faites-vous de beau à Vendeuvre ? Je suis venu avec mon camarade Guillaume, là, en face de nous, et on prépare un documentaire de 52 minutes sur la précarité des jeunes, essentiellement, et puis, mais qu'ils soient étudiants, qu'ils soient en formation, enfin voilà quoi, sur la précarité en général et surtout tout ce bazar qui se passe ces temps-ci, enfin depuis un moment déjà, avec cette pandémie. Quelles sont votre actualité ou projet artistique, musical? Je suis comme tout le monde, hein, je suis en attente, j'ai des concerts qui ont été reportés, qui vont être faits au mois de mai. Et donc voilà, il faut attendre, il faut être patient. Voilà, mais on a hâte de jouer aussi. Oui, alors on se demandait si vous allez du coup avec le documentaire, donc c'était si vous allez refaire du cinéma, mais du coup vous avez répondu avec le... Ouais, oui, après il y a un projet de long métrage, mais voilà, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui sont en suspens, en attente, qui ont été reculées, qui ont été dues, parce que voilà, cette pandémie, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi, c'est quelque chose qui impacte à tous les niveaux, la société, toutes les classes, la culture, tout, et surtout la culture, disons que, puisque apparemment ça ne fait pas partie des choses essentielles, donc, mais voilà quoi, donc ça reporte les projets, ça les met en attente, ça. Suite au documentaire Les Enfants de Syrie, est-ce que vous allez refaire effectivement dans l'humanitaire? Je sais pas si c'est l'humanitaire, ce qui m'intéresse c'est les gens quoi. D'accord. Voilà, ça s'est fait en Syrie avec les enfants. Là c'est encore avec d'autres gens, mais c'est en France. Voilà, moi je vis dans un monde, une société qui. Enfin voilà, que j'aime, qui me plaît, et je suis traversé par des choses, bouleversé par des choses. Donc j'essaye d'en parler avec. Les moyens que j'ai, ceux qu'on me procure aussi, en l'occurrence là le soutien d'une agence qui s'appelle Première Ligne et des gens formidables qui permettent ce genre de projet. Je pense que c'est important quand on est artiste, à un moment de se mettre de côté et de faire à son niveau des choses où la lumière aille sur les autres, quoi. Dernière question, quel conseil donnerez-vous aux jeunes générations pour... aux jeunes artistes pour leur art, voilà. Pas lâcher, voilà, c'est des milieux. Faut avoir une mentalité de pitbull, quoi. Le courage grandit en osant, la peur en hésitant. D'accord. Voilà. Ok. Donc faut y aller, quoi. Après on se prend un mur. Mais au moins, voilà, on sait qu'il y avait un mur. Mais si on n'essaie pas, on saura jamais. Donc il faut faire, c'est essentiel. Voilà, et tout en ayant, si possible, encore une fois, là aussi, un œil sur les autres, ceux qui sont à côté, ceux qui sont... Voilà, on est tous au même endroit. Donc après, notre couleur de peau, notre provenance, notre culture, le Dieu compris, dans quelle langue on parle, tout ça, c'est secondaire, quoi. On a un endroit, faut qu'on le partage, et donc faut se démerder à le partager en toute sérénité et acceptation des autres. Ça aussi, je le dis très souvent, l'antidote à la haine, c'est le discernement. Donc on apprend aussi des autres, c'est essentiel. Vivre ensemble, cela peut être seulement qu'un slogan ou qu'une phrase, quoi. C'est faut essayer d'appliquer ces choses-là tant que faire se peut, quoi. Merci en tout cas. Merci à vous. Ça marche. Merci voilà. Pour cette super chronique, Vincent. Ça a dû être une super expérience. Yes. Voilà. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle chronique. Ça marche, à bientôt. On fait notre deuxième pause musicale dans les bons plans solidaires avec la chanson que tout le monde connaît de Bernie, Antisocial. Allez, on se retrouve juste après. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser les gens est devenu ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer moins bâtard. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Bouge de ta retraite, ta conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ceux qui hier t'enviaient, aujourd'hui te jugeraient. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Vous êtes toujours bien sur Fadjet 94.2 dans les bons plans solidaires et la fin de l'émission approche. Mais pas avant de retrouver avec grand plaisir notre nouveau chroniqueur Roger. Dans le cadre de notre émission mensuelle, nous ouvrons une nouvelle rubrique à la portée de vous toutes et tous, auditrices et auditeurs de Fadjet, qui s'appellera Nancy Gratuit. Comment faire voir, acheter pour rien ou presque. Salut Roger. Bonjour, ça va bien? Ça va bien et vous? Oui, tranquille. Alors, toi, tu vas nous proposer de découvrir Nancy et son agglomération à travers ses parcs et jardins. Allez, on t'écoute. Alors, effectivement, le Grand Nancy compte 300 hectares d'espaces verts répartis en parcs urbains, jardins, îlots fleuris et promenades. Alors, chaque espace vert se trouve à moins de 10 minutes l'un de l'autre. Il existe 45 parcs et jardins dans Nancy et son agglomération, et tout cela, c'est gratuit. Alors, en voici quelques-uns des moins célèbres. Les connaissez-vous ? Je veux parler d'abord du parc de Brabois, qui peut relier par les sentiers, jusqu'à Liverdun, le parc des étangs à Saulxures-lès-Nancy, le parc du Tonneau à Vendeuvre, près du Lavoir, le parc du Haut-Château à Essé-lès-Nancy, par exemple, et puis enfin, on termine avec le jardin communautaire de Tomblaine et ses jolis cabanons. Alors, sachez qu'il en existe ainsi de très nombreux, tous gratuits, accessibles par bus ou par une jolie balade. Alors, pour tout renseignement, eh bien, il suffit de contacter les mairies ou sur le net, vous allez sur la toile, vous tapez nancy.fr, rubrique parc et jardin. Voilà, vous avez de quoi à toutes les saisons de l'année vous ressourcer et surtout découvrir des plantes, des bâtiments rares. Enfin, c'est un bon plan et c'est gratuit. Eh bien, super, Roger. Alors, pour cette première patrouille track. Non, ça a été un petit peu les dents qui claquaient, mais ça va, tout va bien. Alors, on se retrouve la prochaine fois. Oui, je pense le mois prochain, non? Eh bien oui, avec plaisir. D'accord, c'est parti. Merci beaucoup et puis surtout bonne journée. Allez, bye bye. À bientôt. À bientôt. Et voilà, nous arrivons presque au terme de cette émission avec la dernière petite rubrique qui est celle des anniversaires de nos vedettes préférées. Alors ce mois-ci, Laure Adler fêtera ses 70 ans, Ursula Andress fêtera ses 84 ans le 19 mars, Nicolas Anelka fêtera ses 41 ans, Fanny Ardant fêtera ses 71 ans, Daniel Craig, notre James Bond préféré, fêtera ses 53 ans, Céline Dion fêtera ses 52 ans le 30 mars. On leur souhaite à tous un très bon anniversaire. Voilà, cette fois-ci c'est la fin des bons plans solidaires. Nous remercions Laetitia, merci à Nicolas, merci à Vincent et merci à Roger. Et à Anatole, à la technique, vous avez fait du bon boulot. Dans quelques instants, il sera l'heure de retrouver toute l'équipe du 13 en forme sur Fadjet 94.2 pour les news et le mag. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast dès cet après-midi sur fadjet.net. Nous, on se retrouve le mois prochain, même heure, même endroit, pour de nouveaux bons plans solidaires. D'ici là, toute l'équipe vous souhaite une belle journée sur Fadjet 94.2. Et surtout, prenez soin de vous et des autres. À très bientôt. Ciao.